3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine. Oui, oui, pas un jour, pas une semaine. Sans qu'on parle des New York Knicks, on va parler basket, on va parler de ce qui s'est passé pendant ce week-end, parce qu'il y a eu du basket ce week-end, semble-t-il, ou ça, visiblement pas à New York. Il y avait quand même quelques New Yorkais de sortie, et nous, on va être là pour en parler. Encore une fois, je suis bien accompagné avec mon All-Star en chef, Seb Le Gaulois, Choubix Le Gaulois, Seb, comment je t'appelle, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'espère que tu vas bien après ce week-end, ce week-end. Oh, on en perd. Ce week-end arrosé de whisky à week-end. Week-end. Voilà, les joueurs ont fait la fête. Nous, est-ce qu'on l'a fait? Je sais pas. En tout cas, on va parler de tout ce qui s'est passé sur la planète Orange and Blue sur cet épisode 79 de Avenix Week sur KNF TV, votre rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne YouTube de l'association Knicks Nation France. Bon, ton week-end, c'est bon? C'est digéré? T'es prêt à parler un peu basket? Ouais, bah écoute, un peu basket. Est-ce que le All-Star Game, c'est encore du basket? C'est ça qui... C'est ça la bonne question. Heureusement qu'il n'y a pas que le basket, quoi. Heureusement qu'il y avait aussi le hockey. Et ce magnifique Stadium Series au MetLife Stadium de New Jersey, avec un dénouement, un scénario à couper le souffle. Et à la fin, les Rangers ont gagné, évidemment. Donc... Voilà. New York gagne toujours à la fin. Bon, je suis pas sûr que ça gagne. C'était New York contre New York. C'était les Rangers contre les Islanders. Donc c'était quoi qu'il y ait, New York allait gagner. Mais c'était les New York gentils qui ont gagné. New York gentils. Ok. Voilà, c'était la petite aparté sur glace, cold as ice. Et nous, on va pas perdre de temps. On va regarder tout de suite ce qui s'est passé la semaine dernière sur la planète Orange and Blue. Il y a encore beaucoup de choses à se raconter. Donc on perd pas de temps. On lance le jingle et on regarde la rétrospective de la semaine dernière. Alors, une semaine, comment la résumer? Ça va être compliqué ce matin pour ceux qui n'ont pas regardé l'événement, de la nuit en NBA. Ils ont dû pouffer de rire en voyant le score, hein. 211 à 186, oui, 211 points marqués, pourquoi 186 encaissés sur un match, on va mettre des guillemets derrière toutes ces appellations. Quelques petits problèmes techniques, j'espère que ça sera pas trop long, on va dire, bref. Sur cet événement, oui, cet événement de mi-saison, c'était mieux avant le All-Star Game, hein, y a pas à dire, beaucoup de choses ont disparu dans cet événement. C'est un week-end. Il y avait différentes festivités, différents concours, différentes occasions d'essayer de se réjouir, de retrouver les meilleurs joueurs de la planète. Bon. JB a profité de son week-end, de sa première sélection. Il a vu des copains. Il marque 211 points, ça serait quand même dommage de ne pas arriver à marquer toi aussi, quoi. Il a profité. Il en a mis 15. 15, c'est pas mal, hein, sur un petit rapport. 12. Ah, j'avais en tête 15, bon, bref. J'avoue, j'ai pas regardé cet événement. Cette saison, je sais pas, j'ai pas fait de boycott pour faire du boycott, mais j'avais tout simplement préféré privilégier mon sommeil à cet événement du week-end. Les histoires de parquet, fluo, pas fluo, LED ou pas, bon. Moi, c'était pas un super week-end. Moi, je veux dire que j'ai voulu regarder le Rookie Challenge, là, le rookie match. Premier match, premier quart, je me suis endormi face à la nullité du truc, quoi. Alors le lendemain, j'ai pu regarder les concours, j'ai regardé les concours, donc la seule chose qui était sympa, c'était le concours à 3. Et puis le petit mano à mano entre Sabrina Ionescu et Steph Curry. Et puis le lendemain, je me suis levé cette nuit, j'ai allumé la télé. J'ai regardé le début du troisième quart, j'ai vu 5 possessions, j'ai éteint ma télé, je suis retourné me coucher. J'avais compris que c'était... Donc ce matin, j'ai regardé un peu de highlight, un peu de trucs. Voilà. Une parodie de basket, une caricature. Ouais, c'est dommage parce que bah... ça fait plusieurs saisons dont on parle de justement cette perte d'intérêt. Ils ont essayé, enfin ils essayent hein, de faire des choses, hein, mais le mais souci c'est visiblement que ça ne prend quand, pas. bah ouais, non mais après derrière, t'as des gens qui s'investissent dans les votes, qui vont voter tous les jours pour leur joueur favori en disant oh, bah, tiens, il faut qu'il soit All-Star, ça s'écharpe Il joue comme un All-Star. Ouais, ça se défend, ça se déchire sur les réseaux sociaux et machin. Et mon joueur, et non, toi, ton joueur, c'est un connard. Moi, les miens, c'est les plus forts. Non, toi, il est nul. Enfin, bref. Ça se dispute. Quand tu vois que finalement, en fait, personne n'a quelque chose à foutre. Alors qu'au final, ces sélections All-Star, elles vont rentrer dans des clauses de contrat. Donc, indirectement, grâce à ce que toi, tu fais, ils vont gagner de l'oseille. Mais les mecs, en fait, ne te le rendent pas. Et après, derrière, ils vont commencer à gueuler en disant « Ouais, on n'est pas respecté, je suis pas respecté pour aller au All-Star Game. » Mais est-ce que déjà, quand tu y vas, est-ce que tu respectes le public? Est-ce que tu respectes le basket? Donc, il y a beaucoup de du choses, jeu, quoi. ouais. Donc, Alors, on sait au que c'est final... un événement sur lequel les joueurs sont beaucoup sollicités. Est-ce que c'est un événement sur le week-end? Il y a différents moments, médias, rencontres sponsors, différents événements. C'est pas que un match. Tout ne se passe pas autour d'un match. C'est un événement qui dure. Indianapolis, c'est clairement pas la ville la plus festive du monde. Je pense pas qu'il y ait non plus énormément de tentations comme on a pu l'avoir à Las Vegas ou Non, d'autres c'est grandes juste de mégalopoles l'endroit. américaines. Mais les joueurs, voilà, depuis plusieurs saisons, ne mettent plus les éléments essentiels dans le jeu, à savoir un minimum de défense Quand tu pour vois pouvoir que faire un semblant de match, quoi. quand tu vois que un Anthony Edwards, le mec, en fait, il t'explique que voilà, en La fait, main bon, gauche. il y a beaucoup de joueurs qui ne veulent pas venir. Lui-même, il dit, pour moi, c'est un All-Star Game, donc je ne vais pas voir ça comme quelque chose de super compétitif. C'est toujours fun. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire pour rendre la chose plus compétitive. Bon, déjà, c'est toi qui es sur le parquet, hein, c'est pas moi. Hein. Donc, si toi, tu as envie de le rendre plus compétitif, charge à toi. Si tu as une chose à foutre, ben, voilà. Donc, je pense que tout le monde voit comme ça. C'est une pause, donc personne ne veut venir ici et jouer dur. Bon, voilà, tu as compris. Compris que les mecs, il n'y en a absolument rien à foutre, comme la plupart. Quand déjà, même lui, il a dit sur le skill challenge, là, il a dit, moi, de toute façon, je vais tout faire de main gauche. Je vais tout faire de main gauche, je vais m'amuser, ça va tout faire de main gauche. Et après, d'ailleurs, quand ils ont posé la question à Wembanyama, lui, il a dit, non, mais s'amuser, c'est gagner, en fait. C'est pas... Tu vois, Donc, N'y a le pas le truc... même état d'esprit. Après, on verra Bon, Wemby. Il aura après, l'occasion le truc, c'est sûrement que... d'avoir Après, le des truc, c'est que c'est pas... sélections. C'est pas la même mentalité aussi. T'as quand même un mec comme Edwards qui a grandi dans ce truc-là de All-Star Game circus. Dans All-Star Game, on jette le ballon du milieu de terrain, c'est rigolo. Tout le monde s'écarte. Ça fait des dunks sur le match, des layups en veux-tu en voilà. Y a pas... Lui, il a connu ça en fait. Donc pour lui, en fait, ça, c'est la normalité, un match comme ça. C'est la normalité pour lui, c'est pas un All-Star Game comme tu as montré, tu vois, 95 ou 98 ou 2001. Tu vois, c'est pas ça pour lui, le All-Star Game. Ça, il connaît pas. Ça se trouve, il les a peut-être même pas vus, les images, tu vois. Et pour lui, c'est les matchs, en fait, où tout le monde s'écarte, on jette le ballon en l'air, c'est rigolo. Les types, ils se tapent dans le dos, mais certains parlaient en disant ce matin, oui, comment ça se fait? Les joueurs n'ont plus rien à foutre, il n'y a plus de rivalité, mais c'est la NBA qui a Ah. rendu la chose comme ça aussi. La NBA elle a rendu la chose en disant ben, les rivalités, le trash talking, tout ça, faut arrêter. Les joueurs ont pris des amendes en veux-tu en voilà, parce que ça parlait un peu mal dans la presse, parce que ça parlait un petit peu nez contre nez pendant les matchs. Et la NBA s'est immiscée là-dedans en disant non, non, non, ça maintenant c'est fini, vous faites des câlins, vous faites des bisous. Donc, ben, les joueurs, au fur et à mesure, se sont adaptés. Donc, ben, maintenant, en fait, ils sont tous potes. Tu as essayé de faire l'Est contre l'Ouest, ça a raté. Ensuite, tu es venu dans un concept de capitaine qui tire les mecs au hasard Ouais. pour qu'ils aient leur gars avec eux. Donc, Pas mieux, pas ça a mieux. mélangé tout ça. Donc, ça n'a pas été mieux. Ça a même, je pense, donné le coup d'épée fatal à cet événement, quoi. Et là, maintenant, la NBA dit, ah, oh, ben, on va revenir à l'Est contre l'Ouest. Bon. On voit que finalement ça a rien changé. Maintenant certains disent ça serait pas mal de faire le monde contre les États-Unis. Mais les joueurs ils en ont rien à foutre. Doncic, Jokic, quand tu vois, ils ont pas Hey, envie c'est des d'être joueurs là. internationaux et ils sont pas dans Ils le ont pas envie spectacle pour d'être le là. spectacle. Ouais. Mais non. Donc au final il faut bien se dire que cet événement, comme il faut en faire le deuil, c'est fini. C'est plus ce que c'était le All-Star Game. C'est plus C'est une qu'on sorte a de pu showcase. connaître nous. Voilà, Ouais. en tant que Quadra, on a connu des super All-Star Games, on en a profité, c'était super, nous on l'a connu. Maintenant, c'est fini, c'est plus ça. Alors, est-ce que la nouvelle génération va vouloir relancer les bises? Je pense pas. Quand je vois ce matin C'est Trash mal Talk qui dit parti. ah l'année pro... quand je vois Trash Talk ce matin qui dit ah j'imagine Trae Young faire des alley-oop avec Wembanyama, mais non, Wembanyama il prendra comme tous, il prendra sa vingtaine de 3 points par match. Non, parce que là, comme je t'ai sorti les stats quoi, t'imagines que quand même le match cette nuit t'as eu 160 tirs à 3 points, c'est-à-dire que t'as eu 143 shoots pour l'Ouest. L'Ouest sur 143 shoots on a pris 71 à 3, donc la moitié, et l'Est sur 146 shoots, on a pris 97. Non Et au mais tu te rends final, compte? tout ça. Bon, après, les chiffres, ils n'ont aucun sens quand on voit un match à 200 points. Voilà, on s'est dit que Ça, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça. c'est une caricature parce Oui. que déjà en saison, on voit des matchs qui vont à la 150aine de points. Ça arrive. C'est plus non plus. Alors, c'est pas si souvent, mais on a des matchs à 130, 140, 150 points en saison. Là, c'est des matchs qui comptent. Donc, en termes d'adversité, de défense, normalement, on a les ingrédients pour. Le 3 points a pris une place prédominante aujourd'hui en NBA et dans le basket au sens large. On l'a vu, de toute façon, un des événements majeurs de ce week-end, c'était le fameux mini concours à 3 points entre Curry et Ionescu. C'est dire aussi que le jeu, maintenant, il porte sur cette dimension-là. Alors peut-être qu'une façon de revenir à un semblant de basket qui serait peut-être plus raisonnable, ça serait de retirer cette ligne à 3 points sur un Pourquoi match pas, de ce serait une All-Star bonne Game. idée. Faites un truc à l'ancienne. Comme ça, les gars, vous allez shooter de loin, ça ne servira à rien. Vous pouvez shooter de près, vous mettrez autant de points. Mais de toute façon, le problème, il est vraiment profond vis-à-vis de ce All-Star Game. Oui, il y a la notion de rivalité. Oui, il y a la notion de « ils sont copains-copains » parce que finalement, les joueurs passent vraiment d'une équipe à l'autre. Il y a moins cet amour du maillot qu'on pouvait avoir, cette loyauté auprès de certaines équipes, de certains joueurs. Donc ça joue Un aussi. attachement à la conférence, un Un attachement à une attachement à la rivalité de conférence, conférence, quoi. cet aspect, voilà, on veut gagner parce qu'on veut montrer que notre conférence, elle est plus importante, elle est plus forte que Et puis l'autre. on veut gagner parce qu'on veut gagner. C'est vraiment une ambiance rassemblement de copains, tout le monde a envie de passer Oui. un bon moment. Alors le côté, on ne veut pas se blesser, oui, forcément, mais si on ne veut pas se blesser, on ne va pas non plus faire un concours de dunk si on s'appelle Jaylen Brown. Donc il n'y a pas que cet aspect de « on ne veut pas se blesser », il y a Non, tout mais tu vas simplement… dans une. C'est pas l'esprit est plus à la fête que à jouer Dans quelque une chose, quoi. legacy, Donc, je pense qu'il ne faut plus prendre en compte. Enfin, il ne faut plus prendre en compte le All-Star, quoi. Le nombre de sélections au Après, All-Star. le nombre de sélections, ça permet de Ouais, je valider pense en que fait que le joueur a un statut à bien la performer dans la saison validation, régulière. la Mais le validation, titre de. elle a lieu sur les All-NBA Team. La Le titre validation, elle a de lieu là. MVP de All-Star Game, il devrait l'enlever. Ça n'a plus aucun intérêt, c'est même plus un match. Pourquoi donner un titre de MVP? Ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'a pas de sens. Moi, Il ferait mieux de c'est ça. l'enlever en disant, de toute façon, les gars, vous jouez pas. Donc à quoi bon? Ou alors on compte pas les points, en fait. Tout simplement, on compte pas les Ah oui, points. mais t'as vu la gueule d'Adam Silver lorsqu'il a remis Ouais, le dépité, trophée quoi. Bon, les en gars, vous disant, avez ouais, marqué bon. plus de points. Bon, c'est cool. Voilà, le. Well. Oh, ça fait Mais au petit final. souper. Qu'est-ce qui te choque le plus? Est-ce qu'au final, c'est de voir une caricature de basket sur un All-Star Game à 200 points ou un match en saison régulière à 150 points? Moi, limite, c'est plus en saison régulière. Je me dis, mais comment ça se fait, quoi? Est-ce que les Le jeu équipes ne va plus défendent vite. déjà plus en régulière? Elles jouent plus vite? Est-ce que c'est le 3 points qui prend une place vraiment trop Après, importante dans le c'est jeu et vraiment qui en dénature le marge. jeu? Les matchs à 150 points, c'est quand même en marge. Quand tu regardes, c'est. Il y a Pour des équipes l'instant, qui c'est. s'en font la spécialité. Auparavant, on disait que c'était l'attaque. Enfin, l'attaque faisait gagner des matchs et la défense Après, il faut faisait voir gagner les des équipes qui titres. encaissent aussi les points. C'est-à-dire, tu vas rarement voir, par exemple, une équipe comme, je vais dire, un des top 5 défensives. Qui vont Oui, prendre oui, 150 points sur un oui, match. oui. Alors souvent, tu as quand même une équipe qui tanque, qui en prend 150, et parce Mais que voilà, clairement, elle est submergée par on d'autres va trucs. prochainement revenir sur nos Knicks et parler des matchs, mais. Il n'est pas rare de voir des cartons où on encaisse du 40 points par carton. Donc, effectivement, tout Oui, bien ça fait sûr. que y a, l'attaque prend Ah le oui, des dessus. matchs à la mi-temps où tu es à 70, 75, 80, ouais, c'est. Sur un All-Star Game où on sait où ça défend déjà peu, avec une attaque forte, avec un 3 points qui prend de plus en plus dans le place, voilà, on arrive à ce genre de caricature. Donc, qui dit pas que l'année prochaine, on aura un 200-200, quoi, Non, enfin. mais Bon, tu voilà. vois, C'est triste, c'est tu vois, dommage parce que c'était un événement qu'on aimait ouais, auparavant, mais qui était un peu et qui l'est plus je quoi. m'impliquerai plus Plus qu'un moi événement. comme tu vois là, c'était comme cette année là où j'ai beaucoup voté. Ah, t'es fâché. T'es fâché. J'estime. Ouais, non, mais j'estime qu'en fait, on se fout de moi. C'est-à-dire que tu participes à un truc pour envoyer des On nous joueurs ment, on nous à un spoil. événement. Tu prends du temps pour envoyer des joueurs à un événement sportif et en fait les joueurs ne te le rendent pas finalement ou très peu ou mal parce que pour eux bah, c'est peut-être normal. Moi quand je vois tous les joueurs qui disent je sais pas comment on peut rendre cette chose plus compétitive, moi ça me rend fou quand Ouais. j'entends cette phrase sortir de la part des acteurs de ce Les gars, match en défendez. disant C'est de la défense. C'est de la défense. je ne sais pas comment. Mais comment ça, tu ne sais pas comment tu fais ça toute l'année? Je te demande pas de jouer quand même un match 7 de finale NBA, mais fais juste un match de basket en fait. On te demande juste de jouer au basket, de faire un match. Tu vois, c'est tout en fait. On te demande pas grand-chose. On te demande juste de jouer au basket. Et là, quand tu vois les mecs qui te disent ça, moi l'année prochaine, je le dis et je le dis en vidéo. Hein, moi l'année prochaine, Attention. je ne vote. Non, mais l'année prochaine, je ne vote pas. Parce que de toute façon. Moi, je comprends finalement les gens qui votent pas en disant ouais, la fanbase d'Elix, pourquoi vous envoyez pas un tel? Mais parce que là, finalement, ils avaient raison. Pourquoi envoyer des mecs qui n'ont absolument rien à faire d'un événement sportif? Donc, Ah. bah, autant pour les envoyer, autant envoyer personne en fait. Moi, je Moi, je pense vois les que choses voilà. en... je vois les choses de deux façons. Effectivement, il y a le vote, il y a le fait d'accéder à un statut de All-Star. C'était important parce que ça valide une saison, une demi-saison du moins, d'un joueur qui a performé, qui a été bon, qui fait partie de l'élite de la ligue à un instant T. Par contre, il est clair que l'événement en tant que tel, le week-end en tant que tel, c'est une parodie. Et si les audiences sont à la baisse, peut-être que ça signera encore plus la sonnette d'alarme dans le bureau d'Adam Silver, mais je pense qu'il a pris conscience, et ça fait plusieurs années qu'il a conscience de Qu'est-ce la que tu veux chose, qu'il fasse il n'a pas après les lui? moyens aujourd'hui. Il Alors peut certains disent, est-ce pas que c'est forcer les une prime? Est-ce que c'est une prime? Est-ce que en c'est par l'argent la que... tristesse. Ouais, Les mecs sont malheureusement, déjà pleins d'actes possibles et tu veux c'est le leur filer pays du 10 000 dollar. dollars. Alors, oui, je suis d'accord, Le in-season tournament a été en partie négocié avec le syndicat des joueurs autour aussi de cette ils ont prime. jamais gagné autant d'argent à NBA et là, tu vas leur mettre encore une carotte au niveau du pognon. Enfin, Combien je et trouve quel... ça Oui, ça serait triste et désastreux. dommage, mais est-ce que c'est par là qu'il faut aller pour retrouver un Enfin, essence de jeu? Je sais pas. autant l'arrêter quoi. Enfin, autant Mais l'arrêter. malheureusement, ça se fera pas, parce qu'on sait, c'est du Non, ça se business. fera pas. C'est du business à plein de niveaux, tant au niveau des sponsors, des villes qui accueillent cet événement. Il y a du tourisme qui se fait aussi à l'occasion de cet événement. Et puis, il y a aussi du business interne NBA. Les joueurs qui sympathisent et autres, et on l'a déjà vu par le passé, ça peut aboutir parfois à des décisions lors de la free agency, des Ah rassemblements ben de oui. joueurs ou autres. Donc voilà, ça restera quoi qu'il arrive Tout, un tout. événement, un moment de la NBA. Mais voilà, c'est mal barré pour retrouver une façon Mais de le rendre attractif. tu sais, c'est un peu dans tous les sports, hein, parce que j'ai jeté un œil cette année au All-Star Game NHL, c'est la même chose en fait. Donc ils essayent différents formats, ils essayent des 3 contre 3, ils essayent des choses, ils essayent de redynamiser. Il faut pas croire que c'est au basket en fait, que c'est vraiment lié au basket. À peu près à tous les sports, le All-Star, les rendez-vous comme ça des joueurs, ils prennent ça pour des vacances et non plus comme un match pouvoir être un minimum compétitif. Là encore, tu vois des choses, mais quand tu regardes un All-Star Game NHL, même les gardiens, tu vois, limite, enfin, c'est pareil, ça n'a pas de sens, donc très peu de gens finalement le regardent. La preuve, c'est que c'est limite gratuit sur YouTube, le All-Star Game NHL, tu vois, donc pour t'expliquer, hein. Donc à quel point ça a perdu d'attractivité. Et bah, peut-être que ça arrivera comme ça aussi, finalement, les audiences, en fait, donc ils te mettront ça gratuit sur le League Pass, en disant, bah, tiens, regardez-le si Ouais, vous je sais voulez. pas. Je sais même pas s'il n'y a pas. Enfin, j'avoue que le League Pass, on l'a pris depuis le début de la saison pour suivre l'équipe. Mais effectivement, il y a souvent des périodes promotionnelles et le All-Star un peu en fait partie. Bref, l'histoire de les États-Unis contre le reste du monde, ça c'est pareil, c'est un scénario, il faut pas rêver parce que peut-être qu'aujourd'hui, en 2024, il y a une communauté européenne qui est assez forte, mais ça sera peut-être pas forcément d'ici 10 ans, 15 ans. Et puis ça limiterait le nombre de places de All-Star aux Américains. Et ça, je pense pas qu'ils seront prêts à rogner là-dessus. Avoir que 12 Américains sélectionnés plutôt que. Et avoir 12 Européens va faire aussi une team de All-Star Européens. Bon, voilà, Ben, non, mais ce sera mondial, c'est pas ce sera pas gagné. européen, ce sera mondial. En Enfin, prenant les Canadiens, mondial, ouais. Tu prends les Canadiens, ce sera le monde ouais. contre les États-Unis, quoi. Mais tu Donc, vois, un Jokic ou un Doncic, ils n'ont pas spécialement envie de jouer ce genre de match, quoi. Ils n'ont pas plus envie de jouer ça. Pour eux, c'est des vacances. Mais c'est des vacances non, c'est où, il y a un fini. moment, il y a une sorte de showcase. Si on parle un petit peu On fait du rétrospective inverse. Si on parle un petit peu des concours, des concours, là, les concours, on a une opposition. Bon, on avait Jalen Brunson qui était sur en il termes de a Nick Knickerbocker sur le concours à 3 points. Il s'est pas si mal débrouillé que ça, notre il a JB. choqué à la fin. Il a choqué à la fin. Alors Ah. qu'il était bien parti et il rate ses trois derniers paniers. C'est plus, c'était ses paniers primés, c'était son rack bonus. Et Ouais. il rate les trois derniers qui un l'a amené en finale, quoi. Et il reste bloqué à 24, alors que le plafond était à 26, puisque t'avais Karl-Anthony Haliburton Towns qui qui avait fait devait passer, hein. 26 Ouais. et machin, ils avaient fait 26. Et Donovan Mitchell lui avait fait 22. Et en fait, donc il avait le ballon pour passer Eh ouais. Pour être là. Et finalement, ben, il rate les trois derniers, donc il s'arrête à 24, Mais c'est quand même une belle éliminé, sortie, quoi. une belle Dommage. prestation. Belle Julius Randle prestation, avait ouais. fait Ouais. qu'un 17, je crois, la saison dernière. Donc bon, il fait mieux Non, non, non, que non. Julius. Non, non, bien, il a été bien. Le C'est... concours Il a était été honnête. sympa. On se J'avoue, je l'ai vu confie en avec. replay. Je l'ai vu en replay et moi, je comprends pas ce parquet. Alors oui, on veut faire du parquet LED, mais va shooter sur un parquet fluo comme ça. Même en Alors, termes je ne de crois pas que joueur, ça se jouait dans la ça... salle. Je crois pas que ça se jouait dans la salle. Je crois que ça se jouait dans une autre salle. Je crois qu'ils ont fait les concours dans une autre Ah non, salle. non, non, et ils ont juste un parquet pour le match et un parquet pour les concours. Vous avez deux Et parquets, t'es mais sûr parce c'est le choix de que. la couleur. Bon, Ok, le après, sponsor, mais il faut arrêter. ouais, Enfin, on n'est pas dans bon. NBA 2K, quoi. Mais non, mais t'as Là-dessus, en compris fait, c'est en même temps quand t'as aussi. le sponsor au sol, quoi. Ouais, mais c'est aussi la NBA qui veut faire de plus en plus du spectacle et montrer des trucs. Et à un moment, revenons sur des choses basiques aussi. Moi, ça Le m'a 3 pas points, ça reste du 3 dérangé points. plus que ça. Waouh. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Non, mais Moi, je même trouve ça un pour peu. les joueurs, pour les Ouais. joueurs, t'es pas habitué à jouer avec un parquet aussi lumineux, quoi, en fait, quoi. Je sais pas, ils se sont pas exprimés dessus, mais voilà. Après, on a eu le concours de dunk. Bon, Oh. concours de dunk, c'est pareil. C'est pareil. Alors, Jacob Toppin, je trouve que ça a été Bon, honnête. sinon, Il s'est juste pour fait dire que un peu le. voler, hein, Non, mais... attends, sinon, juste pour dire que bah, le concours à 3 se finit sur un dernier shoot de Damian Lillard au buzzer. Ouais. Donc voilà, le En dame buzzer, time dame time, hein. jusqu'au bout. Mais c'était vraiment pas voulu, je pense. Hein, mais ça rentre voilà, dans son truc. Double vainqueur, Lillard. Double vainqueur. Donc Double là-dessus, vainqueur. il n'a pas volé. Après, certains diront, c'est bizarre, Curry, il a mis plus de points sur son mini concours que Lillard qui gagne. C'est pas faux. Ah, C'est pas bah, faux. c'est le Mais meilleur bon. shooter de tous les temps. Voilà. Et après, donc on avait ce fameux Slam Dunk Contest avec 4 participants. Alors le Slam Dunk Contest, c'est aussi un événement qui était historiquement très attendu, qui s'est perdu il y a des années avec des concours de qualité clairement inégales. Tout n'est pas à jeter non plus depuis l'année 2000-2001 à Auckland lorsque Vince Carter avait gagné. Il y a eu de bons concours, il y a eu des bons vainqueurs. Voilà, on a quand même le meilleur, enfin du moins le Knickerbocker qui a le plus, le joueur qui a le plus remporté de titres, c'est Nate Robinson. Vous pensez toujours pour lui. Les petits ont la cote au concours du Slam Dunk Contest. On l'a vu encore cette saison avec Klung, qui, bah, du coup, qui a gagné. Jacob Toppin, c'était pas si mal. Ce petit, Bah. petit clin d'œil avec le frangin, forcément, on l'attendait, on s'en Ouais. doutait. On en avait parlé la semaine dernière sur la précédente émission. On l'a eu. Jacob Toppin qui fait du dunk, on va dire, assez basique. Pas d'artifice, pas besoin Son meilleur dunk est d'éléments pas externes. et pas son meilleur dunk est pas jugé à bonne façon, mais Oui, aussi bon, à sa juste valeur. t'envoies des mecs qui voient plus désormais à 3 mètres, forcément c'est compliqué quoi. Quand tu vois C'est la les faute du jurys, parquet, ça. C'est la faute du parquet. Il peut pas. non, mais Après, c'est la les qualité qu'on peut jurys, les avoir comme mecs, ça. moi je suis désolé au jury, t'en as un qui a pas compris le premier dunk de McClung, qui est énorme. Il attrape le ballon, il le lâche en l'air pour le rattraper, pour le dunker. Le mec, il lui met 46, alors que tu t'aperçois quand même de la difficulté technique du truc. Et parce que le Ça gars, il va a dû se vite. dire, oh, mais il a perdu le contrôle en l'air du ballon. Non, mais t'as compris que l'équipe, là, Alors, ils étaient à décharge, bloc ça va complet, quoi. vite, mais il y a des ralentis. Il y a des Mais il y a des ralentis, il y a un nombre de ralentis, caméras en plus ils prennent le important. temps pour voter. Ils votent pas tout de suite, ils ont le Ouais. temps de décortiquer le truc. Et non, c'est le jury qui a rendu le concours claqué. Hein. Parce que t'aurais envoyé Topin en finale et visiblement il avait préparé des trucs. McClung, bon là aussi, hein, Ils le volent pas. le Ils le concours. volent pas, Non, mais mais que quand tu dis que ce il y a un concours a petit mais perdu un quoi. intérêt. Quand tu dis que ce concours a perdu un intérêt, tu t'en viens et j'ai rien contre Mac McClung qui est un dunker fabuleux, formidable. Vraiment. Mais que tu en viennes en fait à aller chercher un mec de G-League. C'est-à-dire que le type n'a pas Ouais. foulé, je crois pas, les parquets NBA, quoi. C'est-à-dire que tu te retrouves avec. Oh, vraiment ce dunk. Oh, il est magnifique, quoi. Enfin bref. Ça mérite pas 46, ça. Non mais regarde-moi ça mérite pas 46, ça. Enfin Et puis c'est bref. exécuté Et. à la perfection, Mais ouais. ouais, c'est super beau, quoi. Enfin, bref. Et donc, McClung, très bon. Mais tu t'en viens, pour dynamiser le truc, à faire venir un mec de G-League. Ouais. Bon. Malheureusement, sur ce Et. concours, il y a à la fois du vrai et du pas vrai. Bon, il y a Jaylen Brown qui lui fait l'effort, entre guillemets, c'est une star NBA, c'est un All-Star. Finalement, il y a peu de All-Star. Il a fait l'effort, il a joué le jeu. Après, ses dunks étaient surcotés, survendus en termes de notes et tout. Voilà, c'est pas. Ouais, Il a fait des belles choses, mais. il a dunké au-dessus d'un mec qui mesure 1,60 m assis sur une chaise. Et puis après il met le bras, mais bon, à la réception, donc le À la clin fin, d'œil à Dee quoi. Brown, il est un peu loupé, quoi. Donc ça fait un peu flop, c'est dommage. Après, il est vrai que sur le concours à 3 points, bizarrement, on prend quasiment que des All-Stars, des joueurs calibre All-Star. Pour le concours de dunk, faites la même chose. Prenez des noms, c'est de ça aussi dont on a besoin, un peu de rivalité. Alors après, il y a des joueurs qui se sont fait des noms. On pense à Zach LaVine, on pense à Aaron Gordon qui n'était pas des All-Stars. LaVine peut Jason non, peut-être pas, Richardson? il n'était pas encore. Jason Je Richardson, sais il y a pas, des joueurs qui se crois sont pas fait qu'il ait des été sélectionné noms. All-Star, Jason Richardson. Non, mais LaVine, oui, et il n'était pas All-Star Oui. avant d'avoir gagné son trophée. Aaron Gordon? Aaron Gordon, sans être All-Star, nous a sorti peut-être un des meilleurs concours de dunk, en tout Magnifique. cas une des Ce meilleures concours a été rivalités, fabuleux. sans jamais gagner. Donc les noms ne font pas tout, on a besoin de noms. Là, Jaylen Brown, c'était le nom qui était attendu, mais au niveau des notes, on sent que le jury l'a un peu privilégié, et c'est dommage parce que là, effectivement, ça fausse la donne. Nous, on avait forcément un petit coup de cœur pour Toppin, qui est un joueur de G-League aussi. Tu parles de G-League pour McClung. Oui, Bon, Toppin, on l'a oui. vu un petit peu avec les vrais On l'a Knicks. vu un petit peu parce qu'on est décimé en blessure. Donc oui. Parce qu'on est décimé en blessure, sinon il aurait fait que de la G-League, c'est certain. Après, il a des qualités aussi honnêtes de dunk, et il aurait mérité Full. cette place en finale à la Tout à place de fait. Brown. C'est dommage, ça laisse un regret. Est-ce qu'il reviendra? C'est pas sûr. Est-ce qu'il sera à Knicks encore la saison prochaine? Ça, c'est encore moins garanti. Mais c'est dommage parce que du coup, effectivement, ça perd un petit peu, ça perd un petit peu en intérêt sur ce concours. McClung le vole pas. 2 années de Oh suite, non, l'effet surprise, il est il un le peu vole moins là, par pas. contre. L'effet Il le surprise est un vole peu pas. moins là. C'est bon, hein, dans ce qu'il fait. Hein. Tu sens que c'est un vrai dunker. Hein. Moi, je te dis, si ça se trouve, dans les prochaines années, on se dirige tout droit vers des dunkers pro. Ah, Ils sont représentés par des teams. Mais tout doucement, parce que regarde, il y a encore peut-être 2 ou 3 ans de ça, t'aurais dit, bah tiens, ça va être des mecs de G-League qui vont venir faire le concours. T'aurais dit, même pas il y a 2 ou 3 ans, t'aurais dit il y a 5 ans, 5 ou 6 ans. J'aurais dit non, attends, jamais, ils vont pas ouvrir à la G-League, qu'est-ce que mais tu veux dire, bon. autant la Puis NBA a tout entre doucement. guillemets mis un critère sur un nombre de matchs joués pour être éligible MVP ou machin. Faites la même chose pour ces concours. Que les joueurs aient un minimum de matchs joués. Alors, on ne demande pas des titulaires, on ne demande pas des All-Stars, mais Aura qu'il y ait un minimum personne. de matchs joués. Et même Aura si les personne. dunkers sont bons en G-League, bah, faites le slam dunk contest de G-League, quoi. Et Mais limite, s'il est meilleur que celui de la NBA, les gens iront voir les highlights là-dessus, ça fera plus non, mais d'audience t'auras sur personne. la G-League, Ça quoi. marche sur invitation. Donc après, les Ouais. mecs, ils peuvent décliner l'invitation. Et puis, un concours de dunk, ça s'improvise pas. Faut que ça soit Non, ça se prépare, préparé. ça Faut se que les travaille. mecs, Ouais. faut que les mecs, il faut que déjà ils aient un certain attrait pour le dunk. Et que Bon, déjà par en contre, match, on est ils fassent d'accord en que sorte. le coup de la casquette sur Raquez, là, le rookie du Était Heat, nul. c'était claqué. C'était claqué. C'était Bon, nul. voilà, c'était notre gros débrief d'un week-end qu'on a peu Bref, regardé. voilà, ce Comme qui quoi, on était peut chouette, parler de c'était le choses qu'on n'a concours à pas trop vues. 3. C'était le concours à 3 et le mano à mano. Et d'ailleurs, tu vois la Même différence. ça. C'est-à-dire que Sabrina Ionescu, déjà, chapeau à elle. Parce que ils ont voulu la mettre à distance WNBA. Elle a dit non, non, non, moi je veux être à distance NBA. Donc après, elle a shooté avec des ballons WNBA, mais bon, c'est normal. Mais quand tu vois que c'est une excellente shooteuse, elle serait allée en finale du concours. Elle aurait même Ouais. peut-être gagné contre les hommes. Mais en face, tu as la légende qui, lui, aurait survolé le concours. Donc, mais tu vois que Sabrina Ionescu, elle serait allée. Déjà, elle se sont qualifiées pour la finale parce qu'ils ont tous fait 26. Elle a fait 26. Et le champion a fait 26 en finale, a gagné avec 26 et elle a fait 26. Donc. On ne sait pas sur deux runs si tu arrives à faire le même niveau d'excellence, mais effectivement, c'était un clin d'œil sympa. C'était un clin d'œil sympa. Mais voilà. Et puis, elle représentait New York. Donc, en même temps, voilà. Ouais, d'une certaine façon, effectivement. Pour les libertés, elle représente New York. Oui. On a parlé des All-Stars. Le All-Star Weekend, c'est aussi l'occasion d'officialiser la liste des Hall of Famers. Il y a des légendes qui sont All-Stars, mais il y a des légendes surtout qui sont Hall of Famers. Je crois pas qu'il y ait de Hall of Famer qui n'ait pas été All-Star. Ça, il faudra qu'on vérifie. Et les Knickerbockers, les New York Knicks, auront l'occasion d'avoir personne intronisée, j'en bafouille encore une fois, en la personne de Dick Barnett. Oui, Dick Barnett, qui n'était pas Hall of Famer jusqu'à présent. Il est bien sûr All-Star, il est bien sûr avec son maillot retiré au plafond du Madison Square Garden, double champion NBA. Donc voilà, à la fin des années 60, début d'années 70. Avec son tir un peu bizarre. Un peu particulier, effectivement, ce petit côté. Je lève les jambes et je plie les jambes. Les jambes fléchies, ouais. Mais donc voilà, c'est une légende des Bockers qui aura l'occasion de faire son entrée. Alors il n'est pas dans un état de forme très très... j'espère qu'il aura l'occasion de pouvoir... Il a un chaise roulante, je crois, le pauvre. Effectivement, il est plus tout jeune, notre ami Barnett. Donc voilà, c'est l'occasion en tout cas de récompenser sa belle carrière et de reconnaître les légendes du jeu. Voilà. Du jeu, on en a eu la semaine dernière quand même avec les Knicks. On avait deux petits matchs et un match qui a fait polémique, surtout cette fin de match face aux Rockets à Houston. Bon, l'arbitrage avait été un peu particulier sur cette rencontre, on va avoir l'occasion chier, de revenir. Tu peux le dire, mais... Particulier, oui. On veut juste pas se faire couper la vidéo sur YouTube, mais oui, voilà. Un arbitrage nul, ça nul, sera monétisé, nul. Mais vu qu'elle n'est pas monétisée déjà à la base, donc c'est pas grave, quoi. Mais tout ça pour dire que effectivement, les Knicks ont perdu, se sont inclinés. On va revenir sur le match en tant que tel après. Mais un petit peu nouveauté ou exclusivité, les Knicks, oui, ont porté réclamation. Alors, ça arrive très rarement dans la NBA que la NBA désavoue ses arbitres. Les arbitres ont d'ailleurs fait un communiqué à la fin de cette rencontre. Et lui-même, à la fin. Oui, il n'y avait pas faute. On a sifflé un truc, mais il n'y avait pas faute. Super, merci. Ça sert à quoi de dire ça après match? Tu viens de nous enfler, ça sert à quoi de dire ça? Mais ça sert à rien, dis rien. Faut avouer. Voilà. Faute à demi pardonner. Bon, désolé les mecs, on s'est trompé. Bon, vous avez perdu, mais on s'est trompé. Ah ben merci. Alors, dans l'histoire de la Ligue, il y a eu 6 fois où la NBA a donné raison et a eu un recours. Là, c'est quand même un peu compliqué pour que la NBA redonne raison pour que les Knicks puissent rejouer une prolongation. Seulement, il n'y a plus de match de prévu contre les Houston Rockets. Ensuite, il faut jouer une prolongation. C'est pas gagné non plus. Cette fois, est-ce qu'on jouerait une prolongation avec les mêmes joueurs ou pas les mêmes joueurs? T'es pas dans la dynamique du match. Et puis après, le mince espoir, c'est de se dire que les Knicks auront l'occasion de retourner dans le Texas, à San Antonio. Donc bon, quitte à faire le déplacement, est-ce qu'on fait pas un deuxième déplacement pour jouer une prolongation de 5 minutes? Bon, à voir. En tout cas, ils ont fait un recours. C'était la moindre des choses, mais. Un match, Hormis assassinat, tu vois, hormis énorme faute, tu siffles pas, quoi, dans ce moment-là du temps. Enfin, tu siffles jamais, en fait. Jamais, ça siffle, là. Ou alors, faut que vraiment le type lui rentre dedans le coup d'en avant, quoi. Mais... Surtout là, que plus, dans ce même match... droit et... Enfin, non, mais surtout que dans ce même match, il y a une occasion un petit peu comparable où on a Dante DiVincenzo qui écarte un peu la jambe et qui accroche le défenseur. Ça part en review et au final, non, il n'y a pas de faute d'accorder. Voilà, c'est le côté traitement à deux mesures, quoi. Justice à deux mesures. Après, je ne dis pas qu'il aurait fallu le gagner ce match parce que clairement, notre prestation n'était pas folie. Mais on met les ingrédients à la fin pour revenir, tout doucement, ça, voilà, JP qui égalise à 9 secondes de la fin. À 8 secondes, 8-9, ouais. Et ça aurait été un meilleur sort. Bah venons-en justement à ce match. Donc deux matchs la semaine dernière, dans la petite semaine des Knicks avant ce break. Alors bon, des blessures, On en parle et on en parle tout le temps. Donc il y avait encore du monde à manquer sur ce match. Je peux te dire, premier match à l'extérieur. Je peux te dire le 5, hein. Sims, Achua, Hart, DiVincenzo, Brunson. C'est-à-dire que bah, tu avais Hartenstein qui s'était rajouté à la liste. Et en tout cas, il était déjà sur la liste, mais il n'était pas encore. On pensait qu'il allait revenir. Sur ce match-là, il y a quand même DiVincenzo dans le 5. Sur ce match-là. Il est là. Il est encore là sur ce match-là. Ouais. Après, certains vont nous dire ouais, dis donc, Thibodeau, il fait beaucoup jouer ses joueurs. Bah, oui. Mais bon, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Une rotation, ouais, mais... Donc, un match compliqué. On vous rappelle notre prono. On avait plutôt pronostiqué une victoire face aux Rockets. Oui. On n'avait pas, pas en tête ce match. On n'avait pas en tête ce match. Un match compliqué. Et c'est compliqué pourquoi? Bah, parce que les défenses adverses s'ajustent. S'ajustent à l'absence de Julius Randle. Et on a vu tout de suite, oui, assez vite dans le match, des prises à deux sur Jalen Brunson. Parce que bien sûr, c'est le meneur, c'est le maître à jouer. C'est le meilleur joueur des Knicks. C'est le All-Star encore actif, puisque Julius est à l'infirmerie. Donc forcément, comment couper la tête du serpent? Bah, défendant plus dur sur... sur Jalen Brunson. Les Lakers. Il y avait des absents pourtant côté Rockets. Il n'y avait pas Fred Van Vliet qui aurait pu donner quelques difficultés de plus aux Knicks. Mais voilà, c'est un match qui tout de suite a pris des tournures où Houston a pris les devants. Une adresse compliquée des Booker en début de match. Et au forceps, on revient dans le match. Mais on revient pour cette fameuse égalisation à 9 secondes de la fin et un arbitrage qui tout le long a été, on va dire, litigieux. Un nombre de lancers francs complètement déséquilibré entre les deux équipes. Alors souvent, les équipes à domicile bénéficient de plus de 12 clémence. Pour, 12 pour les Knicks, 33 pour les Houston Rockets. Mais surtout, un jeu physique en plus. Un jeu physique qui pour lequel on aurait pu espérer avoir des coups de sifflet. Des fautes sifflées. Plus équilibrées. À un moment donné, t'es quand même plus sur un passage en force de Sengun que sur une faute de DiVincenzo. Mais bon, soit. Ok. Non, c'est moi qui suis honteux. On a beaucoup parlé de la dernière action et de ce coup de sifflet quasi au buzzer qui donne trois lancers francs à Ron Holiday. Même à la fin, Tom Thibodeau qui redessine un système à 0,3 secondes en se disant peut-être qu'on peut arracher un truc. Puis à la fin, ils font non, c'est bon, on arrête là, quoi. Furax, le mec. Donc voilà, rien n'a été dans le bon sens en termes d'arbitrage sur cette rencontre. Il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu des compiles de mauvais coups de sifflet qui ont été faits. Alors dire que les Knicks perdent sur l'arbitrage, pas que sur la dernière occasion. Tout le long du match, ils ont été désavantagés. Après, on était court vêtu sur cette rencontre. Et puis, les Rockets sont bien défendus sur Brunson. Lui ont mené la vie dure en début de match. Et il a mis du temps à se mettre en adresse sur cette rencontre. Et malheureusement, les Rockets, Houston a fait la course devant. Et on n'a jamais su réellement recoller que sur la fin. Mais c'était trop tard aussi, quoi. Ouais, bon, ce match-là. Tu voulais revenir sur un point sur cette rencontre? Bah non, pas spécialement, pas sauf que trop envie de revenir dessus. Trop compliqué. Mais en fait, c'est compliqué de débriefer des choses quand il te manque autant de joueurs importants dans ton roster, quoi. C'est-à-dire qu'il te manque pas des mecs du banc, quoi. Il te manque ton meilleur défenseur. Bon, ça fait déjà un moment qu'on l'a plus. Ton meilleur central, je parle de Mitchell Robinson. Il te manque son backup, qui s'est révélé qu'il nous fait une saison de dingue avec Hartenstein. T'as recru ton ailier défensif qui commençait à trouver ses marques avec OG Ninobi. Ton All-Star, ton deuxième ou ton premier meilleur joueur. En tout cas, une vraie puissance qui pareil, avait su se réinventer à la passe, un peu plus bourré à l'intérieur, moins prendre des tirs casse-croûte à 3 points, à l'espèce de Julius Randle. Tu as ces mecs-là qui te manquent. Et on te dit, il faut encore gagner des matchs. Ça commence à devenir trop dur, trop compliqué. Tu peux pas en fait lutter avec autant d'absence. On a aussi senti l'équipe fatiguée, à bout de souffle par moment, parce qu'on dépense beaucoup d'énergie aussi pour défendre. C'est un jeu qui consomme de l'énergie. Des joueurs qui sont pas habitués à avoir autant de temps de jeu. DiVincenzo, Hart n'ont pas l'habitude de jouer autant de minutes. Autant, ouais. C'est pas possible de pouvoir jouer autant de minutes. C'est compliqué, quoi. Eux-mêmes, à la base, ce sont des mecs qui jouent 25 minutes. 20-25 minutes. Et jusqu'à présent, DiVincenzo, c'était ce qu'il jouait dans la rotation. Alors, tu peux jouer là, une fois de temps en temps, un 35-40, oui. Parce que... Mais ça reste exceptionnel. Et là ils enchaînent, en fait. C'est ouais. Ça fait 5-6 matchs d'affilée où les mecs, ils sont à 40 minutes. Parce que malheureusement, Tom Thibodeau, on peut le critiquer parce qu'on ne l'aime pas. Il ne va pas inventer des joueurs, il ne va pas sortir un joueur du non, du panier. Tu il va pas transformer un Jacob Toppin en joueur qui peut jouer 25 minutes comme ça alors que... Ou un Brown Junior ou machin, tu peux pas les envoyer comme ça, c'est pas possible. Donc compliqué ce déplacement dans le Texas. On avait Bogdanovic quand même sur cette et rencontre. Bogdanovic aussi. Et Bogdanovic aussi qui s'est pété, qui n'était pas au match suivant d'ailleurs. Voilà, super. Donc après on a passé du Texas à la Floride avec un déplacement à Orlando. Alors moi j'avais envie d'être positif et de voir une victoire. Bon bah non, loupé. Une défaite et pas une petite défaite, 18 points de perte, 100 à 118. Pas photo, et puis là, parce que là... Pas Dante, pas Bogda, c'est Burks qui start et puis Burks. Qu'est-ce que tu veux faire? Le mauvais Burks quoi, le Burks qui shoot beaucoup mais qui a pas l'adresse et... Enfin le bon Burks c'est le mauvais Burks, le bon Burks c'est celui qui shoot beaucoup mais qui met. Et le mauvais Burks c'est celui qui shoot beaucoup mais qui met pas. Non mais qu'est-ce que tu veux faire? Regarde l'équipe, Sims, Achiuwa, alors Achiuwa attention, ouais, il fait son taf hein. Ouais, Sims, Achiuwa, il en profite lui. Hart, Burks, Brunson, non mais même Détroit tu la bats pas avec cette équipe. Donc et puis en sortie de banc t'as un Taj Gibson qui a l'âge de ses artères. Donc un petit Jacob Toppin qui a fait ce qu'il a pu. Hein. Ça y est, il a marqué sa dizaine de points enfin. Et puis un McBride un peu passé au travers et un Brown Junior là qui est là et qui a le mérite d'être là. Voilà. Malheureusement, ça arrive dans une saison NBA des matchs comme ça qui sont perdus. Alors au final, il y a du garbage time, mais on n'a pas grand monde à mettre pour le garbage time. JB qui revient pas en fin de match. Il était temps que le All-Star break arrive, que tout le monde puisse souffler, qu'on puisse espérer retrouver. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que le Magic. Alors, faut voir après la tournure que va avoir cette fin de saison, mais le Magic. Ouais. Trois matchs, trois défaites. Hein. Donc, Tiebreaker, il est pour eux. Hein. Et c'est une équipe qui a récupéré tous ses mecs. Donc, Banchero était là, mais a récupéré Wagner, a récupéré Carter Jr. Voilà, a récupéré aussi leur lié Jonathan Isaac, là, leur défenseur. Qui a fait quelques passages intéressants. Et puis, un Banchero qui a été adroit aussi à 3 points. Il s'est fait plaisir sur cette rencontre. Quoi. Ouais. Mais voilà, tu te retrouves avec une équipe qui est décimée par les blessures. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux que subir et fermer. Et alors que quand je vois des fois des articles, les Knicks surclassés par le Magic. Bah oui, surclassés par le Magic. Il te manque que 400 mecs. Et il te manque que tout le monde. Enfin, t'as Brunson qui tient la barre. L'opposition n'est pas révélateur du niveau réel des deux équipes. Alors pour l'instant, le Magic est encore dans le rétroviseur au classement de la conférence Est. Mais attention, c'est dommage de perdre contre ses concurrents directs. Ceci dit, voilà, il n'y avait pas matière à pouvoir faire mieux. Les Knicks commencent bien la rencontre sur cette rencontre. On a un JB qui est en très grande adresse. Il met 20 points dès le premier quart-temps. Donc on se dit, bon, peut-être que sur une belle adresse, on les distance et ils ne reviennent pas. Malheureusement, sur le deuxième quart-temps, c'est plutôt l'inverse. C'est le Magic qui met 38-39 points et on en met plus que 19. Et puis derrière, on ne peut pas revenir sur le reste de la rencontre. Tu sais, parce qu'ils se sont mis en rythme et on est trop court. Quoi. Ils peuvent faire un peu un match, tu sais, un match un peu de rap-tout, un match un peu de voleur, comme on peut arracher Memphis, pareil, avec une équipe complètement décimée. Ils sont arrivés tu vois, à gagner des matchs parce que l'équipe d'en face les prend un peu de haut, tiens, il leur manque un tel. Et puis finalement, ça joue moyen. Et rappelle-toi le match contre Memphis, on est à deux doigts de le perdre parce que en fait, finalement, on déjoue, c'est tellement facile qu'on se met à déjouer. Et là, en fait, ouais, la première mi-temps est un peu comme ça, on se dit, ah, pourquoi pas, est-ce qu'il va y avoir le hold-up? Et puis en fait, pas du tout. Après, l'équipe craque physiquement parce que c'est trop dur, quoi. Donc, non. Donc, mais ça, des regrets cette semaine, une conférence Est qui se densifie au niveau du classement. Ouais, au niveau du classement, tu vois, bon, on est quatrième avec 33 victoires et 22 défaites. On est quand même sur une série de 4 défaites consécutives. Et puis, tu vois, derrière, t'as Philadelphie, 32-22. Pacers, 31-25. Heat, 30-25. Ouais. Orlando Magic, 30-25. Donc, finalement, tu vois, alors, t'as Cleveland qui est parti, qui s'est envolé, hein, qui est à 36-17. Je pense qu'il faut arrêter de vouloir regarder les trois premières places, 35-21 ensuite pour Milwaukee, ça va quand même rester juste. Mais voilà, on se retrouve avec ces cinq équipes à la bagarre. Philadelphie va peut-être dégringoler, en effet, aussi avec le manque de Embiid. Mais je pense que les places 4, 5, 6 vont se jouer voilà, entre ces cinq équipes, le Magic, le Heat, les Pacers, les Sixers et nous. Donc, heureusement qu'on a quand même cette marge de progression avec tous nos blessés qui vont revenir au fur et à mesure. On parle d'un retour de Randall d'ici peut-être une semaine. La même chose, une semaine, deux semaines pour OG. Dante, bon, c'est un petit coup, ça va alors, revenir. Alors, OG, ça parle plutôt du mois de mars. Ça parle du mois de mars. Par contre, il y a aussi un retour qui semble approcher. Le mois de mars, c'est dans deux semaines, oui, hein, le mois de mars. On y est bientôt. Mais il y a un retour qui semble approcher, c'est celui de Mitchell Robinson aussi. Donc là-dessus, c'est peut-être des nouvelles encourageantes. À voir. Mais tout ça, c'est à voir comment ça va revenir aussi. Parce que c'est bien beau de revenir, c'est bien. Mais il faut revenir, il faut reprendre le rythme, il faut reprendre la confiance, le shoot. Ça peut prendre du temps. Quel rythme va avoir, quel niveau de jeu va avoir Julius quand il va revenir? Tu vois, quand même, il a eu une belle blessure. Quel niveau va avoir Mitchell Robinson quand il va revenir après avoir manqué 3 ou 4 mois de parquet? Ça aussi, est-ce que c'est un retour en tant que titulaire ou est-ce que c'est un retour en sortie de banc dans un premier temps? Parce qu'il y a de la concurrence qui s'est installée sur ce poste. Donc, tu vois, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Oh, le retour des joueurs ne va pas nous garantir de résultats immédiats. C'est sûr que c'est mieux qu'ils reviennent, mais ça va pas non plus nous garantir de résultats immédiats. Donc, cette situation est plutôt périlleuse. Ça prend une tournure qui n'est pas bonne, qui n'est pas bien pour nous en tout cas. Il vaut mieux avoir des retours, mais il va falloir bien les gérer. Et ça, on verra ce que Tom Thibodeau va pouvoir faire avec aussi un calendrier. Avant de parler du calendrier, dans cette semaine, pas facile, quand même compliqué, ce week-end pas terrible, on a quand même réussi à vous sortir un joueur de la semaine. Et oui, on est comme ça. Un nouvel épisode de Have a Knicks Week, un Nick of the Week pour la semaine. Et cette semaine, c'était pas évident parce qu'avec deux matchs, deux défaites. Alors bon, qui est-ce qu'on a bien pu sortir du chapeau? Est-ce que c'est un nouveau? Est-ce que c'est un ancien? Roulement de tambour. Et donc, le KNF TV Nick of the Week. Et donc, monsieur, Precious Achiuwa. Bah oui, il est arrivé il y a pas très longtemps dans le fameux trade pour OG. Et mine de rien, après une petite période d'adaptation, il fait sa place de par les opportunités qui lui sont données au poste 4 ou au poste 5. Quand il y a des blessures, il y a eu un paquet de blessures. Et donc lui, il enchaîne ses doubles-doubles. Et le dernier en date était sur la rencontre face au Magic. Donc voilà, un Precious Achiuwa plutôt en forme, qu'on applaudit, qu'on félicite, qui est plutôt précieux. À voir après, avec le retour de Hartenstein, avec le retour de Mitchell Robinson, quelle place il va obtenir. Est-ce qu'il va plutôt jouer 4? Est-ce qu'il va plutôt jouer 5? À voir, est-ce qu'il sera conservé à l'issue de la saison ou pas? Est-ce qu'il fera partie d'un trade? On verra tout ça. Mais voilà, c'était pour nous l'occasion de le féliciter, de le mettre à l'honneur sur cette mini-semaine de la loose. Ça fait quand même déjà 24 matchs qu'il est avec nous. Alors c'est vrai qu'au début, on a été un peu dur en se disant « c'est quoi ce mec ?» Même les mecs des Raptors, j'avais dit « bon débarras, merci, bisous, c'est sympa de l'avoir pris. » Et puis il y a eu des blessures. Et puis aussi, il a été mis dans un poste 4 qui, je pense, lui sied mieux qu'être 5. Et puis là, il s'est mis à tourner. Et tu vois, on a commencé, quand il a commencé à avoir du temps de jeu, donc suffisant, hein, c'est-à-dire au-delà des 20 minutes, parce que lui aussi, hein, quand on a été décimé de blessures, il a commencé à en jouer 40. Mais ouais, tu vois, le gars, son match contre Houston, il a joué 26, donc le 17 janvier. Et quelques semaines plus tard, même pas, hein, c'est-à-dire 15 jours plus tard, le 30 janvier, il en joue 40 contre Utah, tu vois. Donc, mais il a su se révéler. Petite machine à double-double quand il joue. C'est-à-dire souvent, il prend un proche du panier de rebond. Il met ses contres, c'est quand même un joueur qui a toujours mis ses contres, tu vois, tu le regardes. Alors, contre Orlando, il n'en a pas mis, mais contre Houston, avant 3, Indiana, il en met 2, il en met 3 contre Dallas, il en met 1 contre les Lakers. Présence en défense. Donc, c'est un joueur, on le sait, c'est un dur au mal, c'est un col bleu, mais c'est un mec qui répond présent, en tout cas, qui n'est pas blessé, qui ferme les dents et qui va au mastic. Donc, non, c'est un beau mec, en tout cas, il a su faire fermer ma bouche. C'est l'employé de la semaine, l'employé pas du mois, mais de la semaine en tout cas. Je pense qu'il aura un rôle assez important en playoff quand même, ce type-là. À voir, parce que ça fait beaucoup de monde sur les postes intérieurs. À voir l'état à voir, de forme. Mais je pense que il est on va croiser aussi les doigts. On va croiser les doigts pour quelque chose, parce que depuis un petit moment là, on sort des joueurs de la semaine et ils sont malades, ils sont blessés derrière. C'était Dante la semaine dernière. Bon bah il s'est blessé sur la fin de la semaine, donc on espère pas lui porter la poisse pour la reprise post-All-Star break. Mais on verra, on verra. Non mais après tu sais. Que quand tu gagnes la confiance de Thibodeau, eh ben c'est très bien pour toi. C'est et là, bien, je pense, mais il y a là, du monde au poste. Il y a du monde au poste, mais je pense quand même que Thibodeau, il aime ses joueurs et que quand un joueur lui rend, il aime beaucoup. Et moi, je te dis que ce type-là, il aura toujours 10 minutes. Je te le dis. Combien ? L'avenir nous le dira. Évidemment, il sera derrière Julius au poste 4. Mais il aura des minutes. Tu as aussi un Bogdanovic qui est arrivé, bon, qui s'est déjà blessé. Eh ben, on verra. On en reparlera de Bogdanovic, tu vois. On en reparlera. C'est pour ça qu'il va falloir nous suivre sur les prochains épisodes. En attendant, on vous fait un épisode pour 2 semaines. 2 semaines, pourquoi? On va vous le dire. Et 2 semaines où il va y avoir pas mal de matchs Knicks. Enfin, on va retrouver du vrai basket où ça défend. Ouais. On ne met pas 200 enfin, points, on n'en cache pas 180. Et on va regarder ce qui se passe, ce qui nous attend côté Knickerbocker sur les 2 semaines à venir. Allez, c'est parti. On regarde le programme des semaines. Alors oui. Un épisode pour 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Parce qu'on repart en voyage. On repart en voyage associatif. C'est le KNF East Coast Trip. C'est pas qu'un méca trip. Pourquoi? Parce qu'on va aller faire un tour du côté de Joel Embiid. Alors Joel Embiid, il sera pas sur le parquet. Tant pis. Est-ce qu'il sera en tribune? On verra. En tout cas, les Knicks auront l'occasion d'aller défier les Sixers chez eux. Et on sera là pour les supporter. Et puis derrière, il y aura la réception des Boston Celtics. Donc une double affiche plutôt sympa, plutôt difficile et relevée. Post All-Star Break, espérons qu'il y ait des retours. La saison dernière, on n'avait pas vu Jalen Brunson sur tous les matchs de nos voyages associatifs parce qu'il y avait des blessures. Là, lui, pour l'instant, il tient la baraque. J'espère que le week-end, il aura pu souffler un peu, quand même, avec toutes ses sollicitations. Mais voilà, la KNF repart en voyage associatif. C'est le voyage associatif de l'année. On essaiera de vous le documenter, de vous le partager sur les réseaux sociaux, Facebook, X et également Instagram. On vous fera un petit vidéo souvenir de tout ça sur la chaîne YouTube. Ah, mais d'ici là, vous nous souhaiterez bon plaisir et on essaiera de vous donner quelques petits insides proches de ces deux belles rencontres qui annoncent le programme de la reprise post-All-Star Break. Voilà le pourquoi du comment de cette émission qui va durer pour 2 semaines. Donc au programme, je le disais, un déplacement à Philly pour débuter la reprise dans la nuit de... on sera... En France, on sera de jeudi à vendredi, c'est ça? Non, de mercredi à jeudi. Oh, je suis perdu. Pour sûr, c'est le match de jeudi soir. Donc jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi pour vous. La nuit de jeudi à vendredi. Dans l'Hexagone. Et derrière, dans la nuit de samedi à dimanche, la réception des Boston Celtics au Madison Square Garden. Ça promet, on aurait aimé voir l'équipe des Knicks au complet pour voir comment elle pouvait rivaliser avec les Celtics. Beaucoup disent oui, les Knicks, ça peut viser la deuxième place de la conférence. Ah, non. Avec tous les blessés qu'on a, ça va être compliqué. Non. Pas trop de retard. Les Celtics, voilà, ça roule, ils sont en train de se qualifier. On se qualifie directement déjà. Oui. Mais en tout cas, ça va être une affiche intéressante. Jusqu'à présent, les Knicks se sont tout le temps inclinés face aux Celtics dans ce début de saison. On aurait aimé voir OG Anunoby en défense sur Jason Tatum. On verra qui sera en capacité de jouer. Est-ce que ça va être le Alec Burks game? Est-ce que ça va être le Bogdanovic game? Est-ce que Julius va faire son retour? On verra tout ça. Ça, on vous le documentera et on vous le partagera la semaine prochaine. Enfin, c'est la semaine prochaine, cette semaine. Et derrière, la semaine qui va suivre, ça va être le retour d'Evan. Et oui, Evan Fournier transféré aux Detroit Pistons. Il va revenir au Madison Square Garden. Alors, à la base, ce match devait se jouer à Détroit. Pardon. Il a été relocalisé à New York suite au in-season. Voilà. Donc, ça sera le retour de Vavan à la maison. Est-ce que ça va être son revenge game? On verra. Ça donnera un intérêt de plus à regarder. Il y aura une vidéo, tu crois, ou pas? Petite vidéo hommage. Je sais pas. Il sera peut-être applaudi parce que voilà, personne n'a grand chose à lui reprocher par rapport à la façon dont il est parti. Est-ce que dans le jeu, lui, il va se faire un malin plaisir de martyriser les Knicks à coup de 3 points? On verra. On ouais, verra. Petit... Derrière, une autre réception. Réception des Pelicans. Donc le match des Pistons, c'est dans la nuit de lundi à mardi. Donc ça sera pour le retour de la KNF sur le sol français. Merci le jet lag. Derrière, donc dans la nuit de mardi à mercredi, donc on est tout de suite sur un back-to-back. La réception des Pelicans de Zion Williamson. Une équipe qui se comporte pas trop mal. Tu vas nous donner un petit peu la tendance de tout ce beau monde ouais. juste après. Le champion du 3 points en titre, Steph Curry, pour la réception des Warriors. Une équipe qui est en belle galère quand même cette saison dans la Conférence Ouest. Dans la nuit de jeudi à vendredi. Et pour finir la semaine, un déplacement, la deuxième semaine, un déplacement dans l'Ohio. Qui va passer des vacances là-bas? J'avoue, je sais pas. Mais en tout cas, les Knicks iront y faire un déplacement professionnel, un business trip pour défier les Cavs de Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qu'on a vu beaucoup en compagnie de Jalen Brunson sur ce week-end. À savoir s'il y a des affinités qui sont en train de naître. Pourquoi pas durer au-delà d'un week-end. Bref, ça sera dans la nuit de dimanche à lundi, le match face aux Cavs, un match toujours attendu, d'autant que les deux équipes se sont un petit peu confrontées la saison dernière en post-season, en play-off. Donc voilà, donc ça va nous faire 6 matchs au programme ouais. de cette émission. On va bien sûr vous lâcher vos pronostics. Les matchs les plus attendus, moi je te le dis tout de suite, c'est celui des Sixers et des Celtics, parce que forcément, on va les vivre oui. en live. Donc là, voilà. Après, sur la deuxième semaine, bah ouais, je ouais. mettrai une attention particulière sur le déplacement à Cleveland. Cleveland, à Cleveland. Qui est beau deuxième en ce moment de la conférence. Ouais, il y a un petit peu une pseudo-rivalité qui est en train de naître de par le passif de la saison dernière. Donc ça sera forcément notre affiche attendue. Qu'est-ce que voilà. tu veux nous dire sur les tendances un peu de ces deux équipes, de toutes ces équipes? Bien sûr, il y a des blessés de partout. On ne sait pas ouais. qui va revenir dans quel calendrier. Côté Sixers, avec l'absence alors, de Embiid, ça change beaucoup de ouais. choses. Alors, côté Sixers, bon, évidemment, ils ont Embiid qui est toujours out. Nous, on a toujours notre tripoté de joueurs qui n'est pas là. Leurs 5 derniers matchs, ils sont sur un 2-3, tu vois. Ils ont perdu contre Miami, ils ont perdu contre Atlanta, ils ont perdu contre Golden State. Mais cependant, ils ont gagné Cleveland donc, et Washington. Bon. Mais ils ont gagné Cleveland, donc... étonnante. Attention tout de même, hein, ils ont toujours, toujours Maxi dans l'équipe. Ils ont toujours un roster assez solide malgré l'absence d'Embiid. Ils sont renforcés avec un shooter en la personne de Buddy Hield. Donc à voir s'il Buddy arrive à trouver voilà. sa place durablement. Ses premières sorties étaient plutôt intéressantes. Donc à voir comment ça va se goupiller contre eux. Exactement quoi. Ensuite, donc, comme tu as dit, les Celtics, 5 matchs, 5 victoires. Tout va bien pour eux, ils survolent tout le monde, première équipe de la conférence, première équipe de la ligue. Actuellement, il leur manque Kristaps Porzingis, mais bon, ça les a pas empêchés quand même de battre à deux reprises, dont notamment cette rouste qu'ils ont mis contre Brooklyn avec 50 points d'écart, 136 à 86. Tu te rends compte un peu la raclée qu'ils leur ont collée. Donc à Boston. Nous, ça risque d'être un petit peu chaud parce que on arrive aussi en étant un peu faible. On les reçoit, mais voilà, contre ouais. eux, ça risque d'être compliqué. Ouais. Voilà. Donc ils auront joué au Chicago juste avant nous, histoire de se mettre en jambe, tu vois. Ils vont croquer Chicago et puis ils vont jouer contre nous. Donc après, les Detroit Pistons, ça va mieux. Depuis la deadline, les Pistons, ils sont sur, ils sont pas sur deux victoires. Ils ont eu deux victoires d'affilée, mais ils ont eu trois défaites consécutives contre les Lakers, contre les Clippers et contre Phoenix. Bon, excusez du peu. Mais ils ont tapé quand même. Ils ont tapé Sacramento et Portland. Donc c'était quand même pas mal. Il leur manque Isaiah Stewart. Hein, t'as vu l'histoire? Il s'est bastonné contre un joueur de Phoenix dans les travées. Il a été arrêté par la police, relâché sous caution. Donc bizarre l'histoire de Isaiah Stewart. Qu'on a parlé. Hein. Son nom avait circulé pendant un temps au Knicks avant la trade deadline. Ah, c'est lui qui avait voulu se cogner avec LeBron il y a quelques temps. Ouais. Donc, caractériel, semble-t-il, du moins un point chaud. Est-ce qu'il finira la saison aux Pistons? À voir. Est-ce qu'il fera la saison prochaine aux Pistons? Ah, c'est moins. À voir aussi. Tout ça. Avec comme tu l'as dit, il y a Détroit, un Français peut en cacher un autre. Kylian Hayes est parti coupé. Alors ça, c'est le drame. Coupé comme ça, sèchement. Et remplacé donc par Evan. Est-ce que Quentin Grimes va jouer aussi du côté de Détroit? À voir. À voir avec le retour. À voir avec tout le retour. Est-ce que Evan aura toujours autant de temps de jeu? À voir aussi. Bref, ce sera un match à surveiller. Avant nous, ils vont jouer Indiana et Orlando. Pas simple pour eux. Les Pélicans, c'est pas mal. Les Pélicans, sur les 5 derniers matchs, ils sont en 4-1. Ils ont juste perdu contre les Lakers. Sinon, ils ont accroché les Clippers, ils ont accroché Portland et Memphis et Washington. Bon, tu me diras. Mais la victoire face aux Clippers, c'est un peu un statement game. Donc une équipe qui, sans faire trop de bruit, fait une saison assez sérieuse dans la conférence. Sans faire trop de bruit, ils sont là avec un Zion bien présent, une belle entente avec Valanciunas et un Brandon Ingram. Ça tourne bien, c'est sérieux comme tu dis. C'est premier de sa division devant Dallas. Donc grosse équipe quoi. Avant nous, ils vont jouer Houston, ils vont jouer Miami et Chicago. Non, quand même, hein, un petit programme pour eux sympathique. Aussi, au niveau des blessures, ils ont Dyson Daniels qui est blessé. Voilà, ça reste quand même assez ledge. Les Warriors, ça va pareil, ça va un petit peu mieux. Sur les 5 derniers matchs, ils sont sur un 5-1. Ils ont battu Indiana, ils ont battu Phoenix, ils ont battu Utah à 2 reprises et ils ont perdu un match de 5 points. Je l'ai vu, le final est terrible. Contre les Clippers. Présent les. Il serre les dents quand même. Il y a des ajustements dans le coaching avec Klay Thompson qui sort du banc maintenant. Donc, voilà. Si c'est quelque chose de durable et est-ce qu'il arrive à être aussi efficace en sortie de banc. S'accroche à la place pour le play-in. Donc une équipe à ne pas enterrer, surtout pas. De toute façon, une équipe qui a Steph Curry, c'est une équipe jamais à enterrer. Et avant c'est nous, les vont... dégâts qu'il peut faire au Garden. Donc voilà, méfiance aussi. Faut pas voir les Warriors comme une équipe morte et enterrée, finie. Surtout, lorsqu'ils vont venir à New York, ça sera pour gagner. Et je le répète, dans notre état de forme, actuel, on n'a pas une équipe au complet et notre calendrier de retour. De ouais. Et notre calendrier de retour est actuellement assez flou. Donc attention cependant. Donc avant nous, ils vont jouer Los Angeles, Charlotte, Denver et Washington. Up and down, tu joues des équipes que tu dois battre et tu joues des équipes plus accrochées comme Los Angeles. On sait que les duels Curry-LeBron sont toujours alléchants. Et puis tu vas affronter aussi les Denver Nuggets. Champion en titre. Donc, champion en titre, attention à ça. Et on finit, comme tu l'as dit, les deux semaines par le match de Cleveland. Cleveland. C'est pareil, on affrontera beaucoup d'équipes en forme, enfin en tout cas à l'heure actuelle, des équipes en forme. C'est-à-dire que eux aussi, sur leurs 5 derniers matchs, ils sont sur un 5-1. Ils ont battu Washington, Brooklyn, Toronto, Philly, ils ont perdu contre Philadelphie et ils ont gagné contre Chicago. Donc tu me diras, au niveau du calendrier de leurs 5 derniers matchs, ça reste quand même abordable pour une équipe avec le retour de Garland et de Mobley. Ouais. En effet, ça c'est des équipes de leur standing à battre. C'est des équipes qui toutes ont des bilans négatifs sur les 5 derniers matchs. Donc c'est vrai que là-dessus, calendrier plutôt favorable comme nous en janvier. Et avant nous, donc ils vont jouer là par contre, ça va se corser un petit peu. Orlando, c'est une belle confrontation contre Orlando. Ensuite ils vont enchaîner à nouveau contre Philadelphie. Après Washington, Dallas, Chicago, Détroit, puis nous. Il y a moyen qu'ils se mettent en confiance. Il y a moyen qu'ils se mettent en confiance juste avant nous contre Détroit. Donc, match très compliqué contre les Cleveland Cavaliers. Très, très compliqué. Donc voilà, une série de 6 matchs, 4 contre des équipes de l'Est, 2 équipes de l'Ouest. Et, beaucoup d'équipes. 4 matchs à domicile, 2 à l'extérieur. Des équipes en forme. De toute façon, ça va être la dernière ligne droite pour les playoffs. Les Knicks, on espère, vont pouvoir compter sur des retours de blessures. Mais comme tu l'as dit, attention, c'est pas parce que les joueurs reviennent de blessures que tout de suite la mayonnaise reprend, que le niveau de compétitivité est là tout de suite. En tout cas, on aura besoin de ces renforts pour affronter ces équipes qui vont pas venir au Garden juste pour profiter du spectacle offert par les Knicks. Donc voilà, et on espère aussi que JB va tenir la distance. La fin de la semaine prochaine est terrible quand même. parce que Pelican, ouais. Warriors, Cavaliers. Ça fait trois matchs assez costauds et avec un back-to-back en début de semaine. On va se risquer au jeu des pronostics. Ces derniers temps, on est un peu à côté de la plaque. Compliqué, hein. Bah oui. Compliqué, bah oui. Sans savoir ce qu'il en est. C'est la grosse cote. Est-ce qu'on aura tout bon? Ça va être sale. L'oracle, hein. Voilà, ça va être compliqué. Il va être salé, hein. Et ouais. Et bah alors, moi je me lance, j'ai pas peur. En mode waterproof, on se mouille la nuque. Déjà, cette première semaine, ce fameux KNF East Coast Trip, deux matchs. Moi je vois une victoire à Philly. J'ai envie d'une victoire à Philly. J'ai pas envie de me déplacer à Philly pour repartir avec une défaite. On se dit que sur les deux équipes à affronter sur notre voyage associatif, c'est l'affiche qui semble plus être à la portée du fait que Joel Embiid soit pas là. T'as besoin de ces petites infos juste parce que peut-être que ça va te. On a toujours Hartenstein qui est annoncé out. Oui. On a un Dante qui est annoncé en day to day, donc sûrement revenir, et un Bogdanovic en day to day. Sinon c'est après Julius Randle out, Mitchell Robinson out, OG Anunoby out, Isaiah Hartenstein out. Mais on est lundi et le match il est jeudi, donc on a le temps encore de retrouver des joueurs en forme d'ici là. Donc voilà, oui, même avec des absences. Et de toute façon, il va falloir qu'on gagne des matchs. On va pas pouvoir. Les Knicks sont sur 4 défaites consécutives avant ce All-Star Break. Ouais. Il va falloir trouver des façons de gagner des matchs parce qu'on va pas pouvoir perdre des matchs sans cesse en attendant les retours de blessures. Donc à voir effectivement, mais pour l'instant, on ne sait pas sur quel joueur on va vraiment pouvoir compter. Il y a des statuts de blessures qui vont se relever de toute façon juste à la reprise. Mais oui, j'ai envie de voir une victoire des Knicks à Philly. Ça peut être sympa, c'est un derby. Les Sixers ont pu perdre contre des équipes qui semblaient être à leur portée et inversement. Ont gagné contre des équipes qui étaient plus dures. Vous m'avez compris. Tout ça pour dire, moi je vois une victoire des Sixers contre les Sixers. Par contre, contre les Celtics, j'aurais aimé avoir un effectif complet pour pouvoir rivaliser. J'ai bien peur que ça soit une défaite. Mon cœur de supporter et mon envie va battre pour que on gagne au Garden contre ces Celtics, mais ça va être dur s'il n'y a pas de retour significatif. Et je pense que OG sera pas là. Donc avec OG, je pense que c'était jouable. Sans, ça va être difficile. Mais on ne sait pas. Des fois, la NBA nous réserve des surprises. Par contre, je pronostique une défaite contre les Celtics. Contre Détroit, une victoire. Hein, Evan, il aura beau essayer de vouloir être revanchard, ça va être compliqué pour lui et son équipe. Et puis même, Burks et Bogdanovic vont retrouver leur ancien coéquipier. Donc ils auront à cœur de montrer qu'il ne fallait pas les trades de Détroit. Donc voilà, donc victoire pour se relancer peut-être après une défaite face aux Celtics. Les Pelicans, ça risque d'être compliqué pour moi de pronostiquer une victoire. Là aussi, comme tu le dis, on ne sait pas sur qui compter. Mais autant à Philadelphie, il y a un petit côté derby. On a les Nova Boys qui vont avoir envie de gagner là où ils étaient sur leur terre étudiante. Face aux Pelicans, je vois plutôt une défaite. Contre les Warriors, c'est pas simple. Allez, victoire. Victoire, pourquoi pas. Et contre les Cavs, défaite. Voilà. Donc ça fait une, 3-3, ça ferait un petit 50%, c'est un moindre mal, sachant qu'aujourd'hui, on ne sait pas sur qui on va pouvoir compter. Et j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles blessures, j'espère que le Nick of the Week sur Precious ne va pas le rendre, l'envoyer direct à l'infirmerie. Mais voilà, moi je pars sur un 3-3, ça serait bien. Et toi? Même s'il est compliqué à faire ce prono, on est d'accord. Sur deux semaines déjà, c'est pas simple, avec des blessés de part et d'autre, parce que les équipes adverses peuvent avoir des blessés. Tu sens un scénario assez probable, mais moi, je vais partir sur un 2-4. Ah ouais. Alors, où sont les victoires? Où sont les victoires? Détroit. Eh bien, étonnamment, je pense qu'on poursuit notre série. Malheureusement pour toi, hein, je suis désolé, pardon pour ton voyage, mais... Une équipe dans la victoire comme dans la défaite. Donc... On poursuit sur deux défaites encore là. Ouais. Après d'ailleurs, on tape Pistons, on perd Pelican, on tape Warriors et on perd Cleveland. D'accord. Ok. C'est un scénario qui peut se tenir aussi. Malheureusement, voilà. J'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère que tu te trompes. mais c'est une probabilité. C'est une probabilité. Après, on l'a dit. Au vu de notre état de forme et de nos blessures. Et du calendrier de retour, je, je, ça me semble super compliqué là de. En soi, le calendrier nous fait pas peur. C'est plus l'absence des joueurs qui est des joueurs qui commencent à arriver. On aurait une équipe au complet. On regarde tout le monde droit dans les yeux. Y a pas, on aurait notre équipe au complet. Y a pas de problème. Ouais. Même mais Boston là, où ça peut rivaliser, mais ouais. Il nous manque trop de choses. Bon, dites-nous en commentaire votre prono sur cette quinzaine. Pas simple. Vous avez le temps d'estimer ce pronostic, puisque de toute façon, le premier match, c'est que dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà. Souhaitez-nous un bon voyage. On va de toute façon profiter de l'ambiance du Garden. On va profiter de l'ambiance de Philadelphie. Ça sera l'occasion de découvrir cette ville, de découvrir une nouvelle salle, de découvrir un public qui est plutôt fan de sport et qui supporte son équipe. On verra s'il y a des chants de MVP pour Jalen Brunson. Alors, je connais pas trop le public. Je pense qu'il doit être fervent. Mais ce que je sais, c'est en hockey sur glace, c'est un des plus chauds de la ligue. Parce que ce sont les Flyers de Philadelphie qui jouent donc là-bas en NHL. Et je sais que les supporters des Flyers, c'est un des plus chauds de la ligue. Donc, Wells Fargo Arena. Pour rappel, alors que la salle ne se portait pas ce nom-là à l'époque, c'est quand même au All-Star Game de Philadelphie que Kobe Bryant, un natif de Philly, s'était fait huer lorsqu'il a reçu son trophée de MVP du All-Star Game. Donc, pour un All-Star Game, qu'un public vienne huer celui qui gagne, et on n'était pas dans l'époque où on mettait 200 points, voilà, c'est dire si le public est plutôt chauvin et plutôt à fond derrière son équipe. Donc, ça promet un bon moment de toute façon. Il y aura des fans des Knicks, il y en aura plein, il y aura celui issu du groupe de la KNF, mais il y aura aussi d'autres New Yorkais qui vont faire le déplacement, donc ça promet un temps plutôt intéressant et ça va être une expérience encore sympa à vivre ce que nous allons vivre avec notre groupe de supporters à Philly puis à New York. Voilà. Sur ce, on va rendre l'antenne, on va fermer cette émission numéro 79. On a beaucoup parlé, surtout pour un All-Star Weekend qu'on a peu regardé, mais il y avait quand même des choses à dire. Donc voilà, on vous attend en commentaire, les pouces, les likes, tout ce qui va bien. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche de notification, de nous suivre sur les réseaux de l'association. Il y en a un paquet, vous les connaissez dorénavant. Et puis on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour vous parler voyage, pour vous parler basket. On espère qu'on vous parlera aussi de retour de blessure. Est-ce qu'on en aura des awards à voir? En tout cas, reviens victorieux ou ne reviens pas, Joanny. Reviens victorieux ou ne reviens pas. Ouais, après, si c'est pour ne pas revenir, non. On avait porté chance aux Knicks il y a quelques saisons de ça quand on a fait nos voyages, alors que l'équipe n'était pas forcément au mieux de sa forme. Donc là, on va aller la supporter quand elle est pas si mal que ça. On espère revenir avec quelques victoires, au moins une du moins, dans la valise. Hein, on espère tout ça. Rendez-vous dans 15 jours, même endroit, même heure, lundi 18h30 sur KNF TV. Et puis n'oubliez pas aussi que l'émission est disponible sur les plateformes de streaming en format audio. Et puis on sera au retour de congés, de vacances, tout ça, de voyage pour l'épisode numéro 80. On est mercredi. Voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien. Bonne quinzaine à toutes et à tous. Bon voyage. Bonne vacances à toi. Nous accompagner. Bon voyage. Faites bon voyage tous. Portez-nous chance. Hein, on va essayer. Appuyez, on va essayer. Voilà, chantez fort et éclatez-vous surtout quoi. On va essayer d'en profiter, c'est toujours de bons moments. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas sur cette saison-ci. Voilà, bonne fin de semaine à vous et let's go Knicks. Ciao, ciao. Voisin Salut. Du dessous, je pars en vacances. Ouais, t'inquiète, je vérifierai ta maison, je passerai tous les jours. On pensera à nourrir le chat. Allez, bonne semaine, à très vite sur KNF TV. Ciao.